Quatrième et dernier temps de notre semaine sur l'histoire des ouvriers et des ouvrières. Aujourd'hui, dans le débat, nous discuterons avec nos invités des enquêtes ouvrières réalisées au 19e et 20e siècle. Après avoir parlé du Paris ouvrier du début du 19e siècle, c'était lundi, écoutez le témoignage d'ouvrières du textile dans le documentaire de mardi, racontez l'importance, c'était hier, du dictionnaire du mouvement ouvrier, mouvement social, le Métron. Nous allons ce matin, pour conclure cette série avec Séverine Attard qui l'a préparée, nous attarder sur les nombreuses enquêtes ouvrières réalisées par des médecins, des hygiénistes, des réformateurs sociaux, des sociologues, des chrétiens tout au long des 19e et 20e siècles. Nous le ferons en compagnie d'Anne Luissier, elle est sociologue chargée de recherche à l'INRA, auteur d'Alimentation populaire et réforme sociale, Les consommations ouvrières dans le second 19e siècle, c'est aux éditions de la Maison des sciences de l'homme. Avec Xavier Vignat, il sera avec nous au téléphone, il est maître de conférence à l'université de Bourgogne, il est auteur récent aux éditions des Arènes d'un beau livre objet sur les ouvriers dans la France des usines et des ateliers. Et puis Éric Gerken sera avec nous en duplex depuis les studios de la RTBF à Liège, il nous attend car il est professeur à l'université de Liège en histoire économique et sociale, et il travaille actuellement sur la silicose et la médecine professionnelle. Bonjour Séverine Attard. Bonjour. Bonjour à vous Anne Luissier. Bonjour. Bonjour à vous Xavier Vignat au téléphone. Bonjour. Et bonjour à vous, donc Éric Gerkens, vous êtes en duplex depuis les studios de la RTBF à Liège, merci d'être avec nous. D'abord, il faut peut-être commencer par le commencement, c'est-à-dire ce 19e siècle qui voit se développer non seulement les enquêtes de Villermé dont on parle souvent pour la condition ouvrière du côté de Lyon mais, ou de Paris, mais également donc effectivement des enquêtes un peu partout tout au long du 19e siècle qui sont lancées par qui ? Par des médecins, par des hygiénistes, vous qui êtes spécialiste de la médecine professionnelle, en particulier des maladies professionnelles, qui lance ces enquêtes, disons, au milieu du 19e siècle ? Alors, d'abord, ce sont les pouvoirs publics qui prennent le plus souvent l'initiative, mais ils sont secondés par des notables, au premier rang desquels on trouve effectivement pas mal de médecins. Médecins hygiénistes, à l'époque, la distinction n'est pas... Enfin, le lien entre les deux est très très fort. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les médecins sont très présents au milieu du 19e siècle, et ils le seront moins à titre de notables philanthropes à la fin, mais dans le cas de la Belgique en particulier, ils réinterviendront au titre de médecins fonctionnaires dans le cadre de l'inspection médicale du travail. Ça sera beaucoup plus tard, effectivement. Et donc ces médecins, que regardent-ils, que veulent-ils voir dans cette classe ouvrière en voie de formation au cours du 19e siècle, Éric Gerkens ? Ce qui les préoccupe beaucoup, c'est les effets que le travail, qu'un certain nombre de conditions de vie aussi, dans une logique hygiéniste où on met fortement l'accent sur ce que les éléments de vie privée, le logement insalubre, l'insuffisante alimentation, tout l'impact que cela peut avoir en quelque sorte sur la population. Il y a une logique de souci de, en quelque sorte, de reproduction de la force de travail, pour prendre un vocabulaire assez connoté. Ces médecins sont très sensibles à ces questions. Ils sont en avant-plan pour les questions de travail des enfants, notamment. C'est d'ailleurs pour ça qu'on leur reprendra en partie la parole à la fin du 19e siècle. Séverine Attard, une question. Donc parallèlement à ces enquêtes, bon, qui ont quand même pour vocation, d'une certaine manière, de comprendre le monde ouvrier pour peut-être mieux le contrôler, hein, dans une société quand même où les conflits commencent à se développer largement. Parallèlement, il y a aussi, donc par exemple, quelqu'un comme Marx, qui, donc les socialistes à l'époque, qui aussi propose de mener des enquêtes sur le monde ouvrier de manière justement à avoir une démarche différente des enquêtes publiques ou commandées par l'État, c'est-à-dire c'est en vue finalement de faire davantage de monographies professionnelles. Et l'enquête aussi a une vertu pédagogique, d'une certaine manière, elle doit faire prendre conscience au monde ouvrier qu'il est maître de son destin. Enfin, il y a une autre optique dans cette manière, évidemment, de promouvoir l'enquête. Mmh. Alors, je sais pas, qui veut répondre sur cette question, Xavier Vignat ou Éric Jacquet. Avant Marx, il y a Engels, quand même. Hein, il faut rappeler son livre célèbre sur la situation des classes laborieuses en Angleterre en 1845. Et puis, effectivement, Marx, en 1880, publie dans la Revue Socialiste un article qui s'appelle précisément « L'enquête ouvrière » et qui est un espèce de questionnaire adressé aux ouvriers militants pour que, en même temps qu'ils décrivent leurs conditions, ce soit une manière pour eux qu'ils prennent conscience de ce qui ne va pas et qu'ils se mobilisent sur ces questions-là. Et donc l'enquête est en fait le support d'une démarche de conscientisation, comme on disait jadis, pour les faire ensuite se mobiliser. Et cette tradition, elle va nourrir toute une série d'enquêtes pendant tout le XXe siècle. Ça veut donc dire, Xavier Vignat, qu'il faut s'intéresser, quand on est historien, historienne, sociologue du travail aujourd'hui, il faut s'intéresser à qui commandite l'enquête. C'est important de savoir qui veut faire une enquête pour mieux les comprendre. Il ne faut pas toutes les placer dans le même axe avec le même but, puisqu'il y a d'un côté soit l'État, soit les syndicats plus tard, soit les réformateurs sociaux, soit de l'autre côté des médecins ou des ouvriers eux-mêmes, et que toutes ces enquêtes, évidemment, n'ont pas la même destinée de la part de ceux qui les enclenchent. Voilà, la finalité varie considérablement et en même temps, évidemment, que cette finalité, les finalités diffèrent, la méthodologie de l'enquête varie selon les enquêteurs eux-mêmes et leurs objectifs. Les militants sont là pour modifier les choses. L'État, quand il enquête, veut résoudre un problème et, si possible, circonscrire les limiter, etc. Par rapport à ce que disait Séverine Attard tout à l'heure, le développement de la conflictualité des grèves ouvrières à partir des années 1860 et surtout des années 1880 entraîne une espèce de peur qui va multiplier les enquêtes, notamment à partir du la création du musée social en 1894. Mmh. Donc là, il y a ensuite une floraison de travaux. Et ce qui est intéressant dans le propos, c'est de croiser ces enquêtes en même temps, parce qu'évidemment, tout le monde se lit. Et donc, on se lit, on se répond, il y a une circulation des problématiques en même temps. Donc voilà, il y a toute une série de travaux là-dessus qui doivent être menés. Anne Huissier. Oui, tout à fait. Pour rebondir sur votre question, les enquêtes sont commanditées par des personnes assez différentes, avec des finalités qui sont différentes et dont il faut être complètement conscient quand du coup on les réutilise comme source, évidemment. Et les lectures qu'on en fait ne sont pas exactement les mêmes. Et ce qui est intéressant, comme dit Xavier, c'est lorsqu'on les croise, ça permet d'avoir un point de vue du coup beaucoup plus élargi et beaucoup plus complet, certainement sur la vie ouvrière et le point de vue ouvrier. En fait. C'est la question de la méthodologie, Anne Huissier, parce que déjà, évidemment, on se questionne, enfin, on peut se questionner sur les différentes méthodes, hein, comme le disait Xavier Vignat. Alors, il y a un précurseur, enfin, en tous les cas, qui va être repris ensuite au XXe siècle, c'est Le Play. Donc, ça, voilà, est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer pourquoi c'est les fameuses monographies de Le Play qui, déjà, peut-être, on peut parler déjà peut-être d'une sorte d'enquête participante. Enfin, il y a cette idée qu'on est plus proche du milieu qu'on enquête. Et d'ailleurs, qui est Frédéric Le Play, pour ceux qui ne connaissent pas? Voilà, je crois qu'il faut le présenter. Qui est Frédéric Le Play? La question n'est pas simple. Il est ingénieur des mines au départ. Et par sa formation d'ingénieur des mines, il est amené à se déplacer, à voyager beaucoup, à visiter en fait des mines et des sites industriels ouvriers, enfin industriels entre guillemets. Et finalement, c'est de cette façon, je m'excuse, j'en parle très vite et sûrement pas bien, mais c'est de cette façon qu'il se retrouve confronté à des populations extrêmement différentes, en Europe notamment, qui lui permettent de voir différentes étapes, on va dire, de développement de la vie industrielle et des rapports. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les rapports en fait entre les patrons et les ouvriers. Et donc, ce qu'il voit, c'est que quand il va dans l'Oural ou en France, je ne sais pas, à Nevers ou n'importe où, avec ses autres enquêteurs, évidemment, il s'aperçoit l'état des relations change, évolue, en fait. Donc, c'est ça qui l'intéresse. Et ce qui est intéressant dans Le Play, et pourquoi ça fait date, en fait, ces monographies, c'est, je pense, par, à la fois par la nouveauté du travail. Effectivement, il n'est pas le premier à aller visiter, vous parliez de Villermé tout à l'heure, il n'est pas le premier à aller visiter les ouvriers, sauf que là, il le fait avec, comme dirait Stéphane Batiocchi et Alain Cotreau, qui travaillent dessus, un collectif d'enquêteurs, c'est-à-dire qu'il mobilise un vaste ensemble de personnes pour travailler avec lui. Et effectivement... Et donc, il y a forcément une méthode qui est mise en œuvre. Il y a une méthode qui est celle de la monographie et surtout de l'enquête de budget, puisque c'est pour ça qu'ils sont connus. C'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, deux façons de recueillir de l'information, mais l'essentiel est un budget. C'est-à-dire que Le Play pense que toute la vie ouvrière peut être déroulée à partir d'un recueil extrêmement précis, en fait, des dépenses et des sources de revenus, puisqu'en essayant d'être le plus exhaustif possible sur les sources de revenus, on s'aperçoit qu'évidemment, celle-ci ne se limite pas au salaire, mais il y a tout un tas d'autres dimensions dans la vie qui permettent d'avoir, de récupérer en fait un peu de revenus. Donc le budget systématique, qui est un élément extrêmement important des monographies, est une méthode effectivement qui se systématise, hein, qu'il essaye de transmettre, accompagné du reste de la monographie où tout, voilà, on a des tas d'éléments de description de la vie ouvrière. Mais pour qui travaille-t-il et d'une certaine façon, qui va utiliser ses travaux Anne Lhuissier ? Parce que ce qu'on fait, c'est bien de publier des travaux, mais il faut qu'ils soient lus et qu'ils soient peut-être utilisés dans le cadre d'une réforme sociale. Qui va utiliser les travaux de Le Play ? Je vous donne la parole, je donnerai ensuite la parole à Éric Gertien. Eh bien, comme je crois que c'est Xavier qui disait ça tout à l'heure, ces enquêtes, il faut les croiser, mais en fait, eux-mêmes, par exemple, Le Play était quelqu'un qui était à la fois... on va dire un réformateur social faisait ses enquêtes quasiment pour son propre compte, mais par ailleurs il a dirigé une enquête pour le Conseil d'État. Il était donc, voyez, il avait des multiples positions qui se nourrissaient elles-mêmes. Et je pense que ces monographies ont nourri par ailleurs les positions qu'il pouvait avoir quand il était quand il avait des positions officielles sur un certain nombre d'enquêtes ou de commissions d'enquête. Éric Gertiens. Oui, je voulais intervenir pour évoquer la personnalité d'Édouard Ducpétiaux en lien avec Le Play, parce qu'à travers Ducpétiaux, il y a en quelque sorte toute la tension qui va traverser du point de vue de la méthode ces enquêtes ouvrières, entre d'un côté la voie statistique, parce que Ducpétiaux est un proche de Quetelet, et donc toute la logique de l'homme social, de la physique sociale, de cette idée qu'à travers la moyenne, on accède à quelque chose de plus vrai que les observations brutes. Donc ça d'un côté, et puis de l'autre, les enquêtes sur les budgets qui ont, comme Anne Lhuissier l'a dit, une fonction heuristique extrêmement importante, c'est-à-dire d'aller voir vraiment tous les éléments de revenus de ces travailleurs, mais qui sont souvent critiqués par leur manque de la question de la représentativité. Le Play choisit des beaux exemples, et dans le cas de Ducpétiaux, ce qui est intéressant, c'est qu'il est à la fois très sensible à l'un, très sensible à l'autre. Et cette question, cette tension entre la dimension statistique, l'approche statistique, avec ce souci de la représentativité et l'exhaustivité, la qualité de l'information saisie de manière monographique, cette tension va traverser toute la fin du 19e et sera encore présente au 20e. Xavier Vignat, vous évoquiez tout à l'heure la création à la fin du 19e siècle du musée social en France. Qui existe encore, rue Lascaz à Paris. Ce musée social joue un rôle parce qu'on y trouve là des gens qui ne sont pas des socialistes, qui ne sont pas des gens qui veulent une réforme profonde de la société française, en particulier en matière économique, mais qui veulent tout de même observer ce milieu économique, éviter ses abus pour pouvoir maintenir une sorte d'ordre social qui ne serait pas bousculé par une possible révolte ou une possible révolution. Ces enquêtes aussi menées par le musée social sont très importantes dans le cadre de la Troisième République et en particulier au tout début du XXe siècle, des grandes lois sociales qui sont votées entre la fin du XIXe et le début du XXe. Oui, en fait, la configuration des années 1890 est très importante parce que dans ces années-là sont créés d'abord l'Office du Travail, qui a été étudié par Isabelle Lespinet-Moret et qui a multiplié les enquêtes notamment autour d'une figure qui s'appelait Pierre Dumas-Roussin, et puis de l'autre, en 1894, création du musée social, qui sont des héritiers Frédéric Le Play, dont parlait Anne tout à l'heure, et qui vont également multiplier les enquêtes, à la fois sur la condition ouvrière et puis sur les conflits. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au musée social, donc qui regroupe une élite réformatrice, une nébuleuse réformatrice, comme l'a montré Topalov. Cette nébuleuse réformatrice va se retrouver dans de multiples réseaux, et y compris du côté du patronat. Et c'est par là qu'on voit également la diffusion de ces enquêtes. C'est-à-dire qu'un des animateurs du musée social, c'est Robert Pinault, qui va ensuite se trouver, qui va jouer un rôle éminent à l'intérieur de lui-même, l'Union des industries métallurgiques et minières, la principale fédération patronale. Donc on a d'un côté des élites patronales qui vont connaître cette condition ouvrière, et qui ensuite vont à leur tour proposer des enquêtes ou solliciter des enquêtes, et puis de l'autre, d'une tradition tout à fait différente, des solidaristes, par exemple, autour de Léon Bourgeois, etc. Et on va avoir, donc, dans ces années 1890-1910, avant la Première Guerre mondiale, une floraison d'enquêtes tout à fait importante et tout à fait précieuse. Et qui correspond à la floraison de lois sociales de ces années-là aussi, en voilà, même temps. Voilà, donc, création du ministère du Travail en 1906, par exemple, c'est aussi lié à tout ça, et ça va encore multiplier le nombre d'enquête. Même s'il y a cette floraison d'enquêtes, enfin, il semble quand même que la France, par rapport par exemple à l'Angleterre ou aux États-Unis, est assez en retard. Je sais pas, Xavier Vigna, ou par rapport à ce principe de justement de mettre en place des enquêtes. Alors, Anne Lhuissier. En tout cas, sur les enquêtes de budget, c'est clair que l'Angleterre, dès le XVIIIe siècle, alors c'est toujours difficile de dater, mais dès le XVIIIe siècle, commence à avoir par les médecins. Je ne sais pas si on peut parler de tradition, mais des premières enquêtes, en fait. C'est moins sur la condition ouvrière que sur la question vraiment de la pauvreté, en fait, en Angleterre. Et effectivement, on le voit sur tout le long du 19e siècle, où on a, je pense, effectivement, beaucoup plus d'enquêtes qu'en France sur ces questions d'abord de pauvreté. Parce qu'il s'agit, voilà, c'est l'économie qui est en jeu. Il y a cette idée qu'il faut pouvoir cerner un petit peu, indexer les prix, etc. Je pense justement... c'est-à-dire que l'Angleterre s'industrialise beaucoup plus vite que la France, et se retrouve confrontée à une misère urbaine plus rapidement qu'en France. Et du côté de la Belgique, Éric Gerkens, qu'en est-il justement ? Mais du côté de la Belgique, il y a une pratique de l'enquête dite budget très importante à la fin du 19e siècle. Mais j'aimerais souligner ici un phénomène assez singulier. C'est en quelque sorte une circulation transnationale de l'expertise en matière d'enquête budgétaire. Ouais. Ainsi, dans la première décennie du XXe siècle, il n'y a pas moins de deux grandes enquêtes qui sont menées en Belgique par des Anglais, avec des logiques assez différentes. Il y a d'un côté Sebum Rowntree, le grand philanthrope spécialiste de la ville de York, qui vient étudier en Belgique, et il intitule son livre, publié en France, « Comment diminuer la misère ?». Et puis, il y a parallèlement à ça, un peu avant, le Board of Trade, qui vient en Belgique, mais aussi en Allemagne et aux États-Unis, enquêter sur les budgets ménages avec une finalité politique assez explicite. Il s'agit de montrer, un peu comme le fera d'une certaine manière le BIT, que la logique libérale, c'est-à-dire les pays qui sont les plus ouverts du point de vue du commerce international, sont aussi ceux les plus libre-échangistes, en quelque sorte, sont ceux chez qui les populations ouvrières vivent le moins mal, quoi. Mais c'est un phénomène assez particulier de voir un pouvoir public étranger venir enquêter dans un pays tiers avec un bénéfice collatéral. C'est que le Board of Trade et l'Angleterre à cette époque a, du point de vue de la statistique, un grand souci de la représentativité et de la qualité de la saisie de l'information. Ça veut donc dire qu'il y a des savoirs et des savoir-faire qui circulent entre les différents pays sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'il doit y avoir de l'échange d'informations, des revues spécialisées qui permettent aux uns et aux autres de se lire, de se comprendre, de se critiquer également, comme le disait tout à l'heure Xavier Vigna, Anne Lhuissier. Il y a des congrès aussi, je pense. Il y a des congrès de statistiques qui sont un lieu de rencontre de toutes ces personnes-là. Je pense, juste pour poursuivre ce que disait Eric, en fait, Rowntree a fait une énorme enquête sur la Belgique. Il l'avait commencé aussi sur la France et la Suisse et les a abandonnés parce que le travail qu'il avait fait sur la Belgique est tellement énorme qu'il n'a pas pu faire l'équivalent. Mais voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, il y a une discussion à l'échelle européenne sur ces questions-là à l'époque qui est très importante. Avec ses toits en dents de scie, ses longs murs droits, toujours tout droit, que la voici l'usine où je dois, jour après jour, gagner ma vie. J'ai débuté à 14 ans, je n'étais encore qu'une enfant, et sur l'appel de la sirène commença ma première semaine. Réveil, partir, courir, pointer, contact, turbine, bobine, métier, chaleur, sueur, veiller, crier, le jour, la nuit, toujours trimé. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. 9h29 sur France Culture, nous sommes dans cette émission quatrième de notre série consacrée à l'histoire des ouvrières et des ouvriers, consacrée aujourd'hui aux enquêtes ouvrières au 19e siècle. Xavier Vignat, il y a un nom qu'on n'a pas encore prononcé, qui est important dans cette question de l'enquête ouvrière, c'est l'Église, et en particulier à la fin du 19e siècle. Vous expliquez bien régulièrement que l'encyclique Rerum Novarum, et en particulier toute la doctrine sociale de l'Église qui en est issue, jusqu'à l'autre encyclique Quadragesimo Anno de Pie XI en 1931, eh bien, que cette doctrine sociale de l'Église donc, va jouer justement sur le nombre d'enquêtes, la qualité des enquêtes, les enquêteurs eux-mêmes qui vont s'intéresser à ce milieu ouvrier. Oui, en effet, la formulation de la doctrine sociale de l'Église en 1891, qui vise à résoudre la question sociale, va favoriser la multiplication des enquêtes, et ces enquêtes vont être également attisées par une angoisse de l'Église, d'un certain nombre de clercs, sur la déchristianisation oui. du monde ouvrier. Et donc, il faut aller voir cette réalité-là. Et donc, notamment dans les années, dans l'entre-deux-guerres, enfin dans les années 20 et 30, on va avoir toute une série de clercs qui vont tantôt enquêter, c'est le cas du père Land par exemple, hein, qui publie un livre célèbre qui s'appelle Le Christ en banlieue, qui est issu d'une série d'enquêtes conduites à partir des années 1925. Et puis il y a un certain nombre de catholiques qui non seulement enquêtent, mais enquêtent en travaillant. Ce ne sont pas encore les prêtres ouvriers, mais oui. Ce ne sont pas encore les prêtres ouvriers, Xavier Vignat, mais ce sont effectivement des chrétiens engagés. Alors des catholiques engagés. Alors l'une des figures peut-être les plus importantes, pas forcément la plus connue, c'est Jacques Valdour, qui est donc catholique, qui est médecin au départ, catholique, royaliste, et qui conduit à antisémite aussi, il faut le rappeler, jusque au milieu des années 30, toute une série d'enquêtes. Il va travailler presque chaque année pendant l'été dans toute une série de villes de France, exerçant toutes sortes de métiers pour connaître ce monde ouvrier. Mesurer sa déchristianisation, mesurer également les progrès du communisme, parce que c'est quelque chose qui l'angoisse profondément et qu'il déteste viscéralement. Et donc, il travaille et ensuite il écrit 16 volumes, en fait, une série qui s'appelle La vie ouvrière, observation vécue, où il raconte toutes ces expériences qu'il a conduites dans le monde ouvrier. C'est Vignata. Et vous montrez, alors Xavier Vignat, c'est dire l'importance que l'Église accorde à cette question de la déchristianisation, c'est qu'avec la mise en place des jeunesses ouvrières chrétiennes et des jeunesses ouvrières chrétiennes féminines, donc des mouvements, la JOC notamment, qui se crée en 1926-1927, la question de l'enquête est carrément partie prenante de la création même d'une cellule. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que c'est par l'enquête, justement, qu'on va prendre connaissance de ce milieu et puis, du coup, justifier aussi la vocation de ces groupes. Avec la fameuse trilogie « Voir, juger, agir ». Voilà. Alors, ce qui est intéressant, et Eric peut-être pourra en parler, c'est que la JOC, au départ, est une création belge, et qui ensuite est importée en France, effectivement, en 26-27. Et la JOC, et puis sa branche féminine, la JOCF, vont théoriser la nécessité de conduire des enquêtes pour ensuite intervenir dans une situation, à la fois intervenir en créant une cellule de la JOC, et puis ensuite en modifiant la situation. C'est intéressant. Oui, allez-y, continuez, Xavier Vignat. Et donc un des enjeux de ces enquêtes, c'est justement d'abord de repérer un problème pour ensuite le modifier. Mmh. Et, euh, Et la JOC encourage ses militants à tenir des espèces de petits carnets dans lesquels ils doivent noter à la fois ce qui ne va pas, pour ensuite les conduire à mieux prendre conscience de ce qu'ils peuvent faire pour modifier de manière minuscule la situation. Avec des présupposés moraux très très importants. Voilà, c'est ce que fera aussi toutes les autres déclinaisons, pourrait-on dire, de la JOC, la jeunesse agricole, etc. plus tard, dans d'autres milieux sociaux, la jeunesse étudiante chrétienne. Éric Gierkens, sur ce point, et en particulier sur cette matrice belge, justement, de ces enquêtes montées par l'Action catholique. Mais ce que je souhaiterais ajouter à ce qu'a dit Xavier, c'est que véritablement, l'activité d'enquête est constitutive de l'acte militant. Il y a quelque chose de vraiment extrêmement lié, qui aura un impact notamment aussi sur un plan professionnel pour la formation d'une figure dont on a encore parlé, mais qui est assez importante, qui sont en fait les assistantes sociales et ce qu'en France on appelle les surintendantes d'usine. Il y a notamment des écoles catholiques de service social où le voir comprendre, agir est véritablement théorisé, et il y a une méthode d'enquête qui naît de cet esprit, de cette logique, et qui se poursuit effectivement jusque dans les années 50. Le mouvement ouvrier chrétien dans les années 50 conduit des enquêtes sur le niveau des allocations familiales. Il y a véritablement là, à nouveau, une activité d'enquête qui sert à se connaître soi, à souder les rangs. Il y a dans cette dimension d'enquête vraiment quelque chose de militant qui peut être rapproché de ce que font les communistes aussi dans les entreprises dans les années 30. Mais avec cette idée toujours quand même qu'il faut dénoncer les religions. Enfin, il y a quand même aussi un but. Les religions, c'est-à-dire la déchristianisation. Oui, il y a une dimension qui que Xavier a évoqué, très moralisatrice. Et ce qui est très subtil dans la critique que vont faire, par exemple, les jossistes en entreprise, ce qu'ils vont dénoncer, c'est la figure du contremaître immoral. Le contremaître qui, en quelque sorte, l'incarnation de la mauvaise autorité. Mmh. Et ça, du point de vue du conservatisme social, c'est assez bienvenu, puisque d'une certaine manière, ça dédouane en quelque sorte l'employeur, mais ça reporte en quelque sorte la faute sur son intermédiaire. Oui, Anne Lucier. Oui, pour rebondir sur ce que disait Eric par rapport aux surintendantes et aux écoles de services sociaux, effectivement, ce qui est très important, moi, je pense, c'est certainement le volet militant, mais aussi le volet formation professionnelle. Puisque moi, par exemple, je vois dans une enquête de la fin des années 30, alors c'est pas une enquête ouvrière, c'est une enquête de consommation alimentaire, qu'on pourrait presque dire enquête nutritionnelle. Ce qui m'apparaît nouveau dans cette enquête, c'est qu'il y a un staff d'enquêteuses salariés pour l'enquête, constitués pour ça, et qui viennent effectivement, qui sont surintendantes, qui sont infirmières, et surtout qui ont toute une formation de service social. Et je pense qu'elles ont effectivement une vraie formation à l'enquête. Et là, moi, je vois apparaître dans l'histoire des enquêtes, on va dire des enquêtes sociales, des professionnels en fait de l'enquête, ce qui pour moi dans les années 30 en France en tout cas est relativement nouveau, et je pense que ces professions y participent largement. Oui, puisque vous parlez professionnalisation de l'enquête, Anne Lucier, il faut peut-être parler aussi de la naissance à la fin du 19e siècle, et vous insistez aussi un peu là-dessus, Xavier Vignat, d'une nouvelle discipline qui est la sociologie durkheimienne. Comment cette sociologie durkheimienne qui se développe donc entre la fin du 19e et le début du 20e siècle appréhende-t-elle, elle qui se veut une science, une discipline scientifique, appréhende-t-elle ces enquêtes qui sont lancées depuis le milieu du 19e par tout un tas d'autres structures qui sont peut-être moins scientifiques que ce qu'elle souhaite, en l'occurrence Xavier Vignat? En fait, la sociologie durkheimienne, mais Anne connaît ça au moins aussi bien que moi, sinon mieux, elle se réduit quand même largement à la figure de Maurice Halbwachs, qui a étudié les budgets, et qui a multiplié ces études-là, qui les a conduites dans les années 1900-1910, et puis qui les a reprises ensuite après la Première Guerre mondiale. Mais en fait, la sociologie durkheimienne enquête assez peu sur le terrain, à la différence des catholiques ou des militants, notamment des militants communistes dont Eric parlait. Et en fait, il y a une petite inflexion dans les années 20 et 30 avec la création du Centre de documentation sociale à l'École normale supérieure. Et donc, les sociologues qui vont commencer de regarder de près, c'est essentiellement George Friedman, dans les années 30 et qui est le fondateur de la sociologie du travail. Mmh. Voilà. Anne Huissier, justement, sur cette sociologie durkheimienne et surtout peut-être la figure de Maurice Halbwachs, qui publie, je crois c'est au tout début du XXe siècle, qui publie une grande enquête sur les budgets, en particulier les budgets des familles. Oui, c'est et ça sa qui thèse. C'est sa thèse, mais même avant cette enquête, c'est ça qui est intéressant. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à Eric. Il a lui-même fait une enquête de terrain, ce qui, effectivement, à l'époque, pour les Durkheimiens, je pense, c'est quand même assez... assez nouveau, puisqu'il organise pour le compte de Roundtree une enquête de budget en France. Donc à la fois, il la coordonne, il va chercher des enquêteurs qui le chargent d'aller faire des budgets, mais lui-même en fait quelques-uns à Paris. Donc il se frotte lui-même au terrain, en fait, ce qui est, enfin, je pense, c'est un cas un petit peu isolé à l'époque. Et effectivement, ensuite, là, c'est plutôt à la lumière des travaux durkheimiens, fait un travail de collecte, en fait, et récupère, c'est plus livresque, en fait, avec des données qui ont été produites par d'autres. Mmh, c'est vrai, mais dans le monde de la sociologie, c'est pas forcément bien vu, Anne Huissier, ses travaux de Jean Halbwachs. Alors, au début du XXe siècle, alors, et puis après la Seconde Guerre mondiale, avec le laboratoire de sociologie, par exemple, qui est dirigé par Gurvitch, etc. Est-ce que, voilà, parce que non seulement la sociologie doit prendre ses assises, ce qui n'est pas le cas au début du XXe siècle. Et donc, c'est-à-dire que je pense qu'au début du XXe siècle, ils sont pas, la question n'est pas on est sociologue de terrain ou pas. Il s'agit d'abord d'affirmer effectivement la sociologie dans un espace académique où elle n'est pas encore complètement affirmée, ou en tout cas, il n'y a pas encore de filière de sociologie. Et l'objet ouvrier, est-ce qu'il est source d'intérêt justement dans ce petit monde des sociologues, ou ce sont les prémices avant que ça devienne l'engouement, hein, après la Seconde Guerre mondiale? C'est-à-dire que l'objet ouvrier est un Il y a deux choses, c'est un peu compliqué. Je pense qu'au début du XXe siècle, l'objet ouvrier, il faut voir, Halbwachs fait partie de ce petit groupe qu'on a appelé les socialistes normaliens. Donc il y a encore un côté comme ça, un peu militant, ils sont socialistes, et ils s'intéressent à titre, je pense, à des fins militantes, en fait, aux ouvriers. Mais dans sa thèse, après, publiée en 1912, l'objet, c'est moins les ouvriers que les classes sociales, en fait. Voilà, donc il y a les deux aspects. Éric Gerkens. Oui, par rapport à l'objet ouvrier, je pense que une des caractéristiques du XXe siècle, de sa première moitié, mais aussi de l'après-guerre, c'est que l'ouvrier se décline en quelque sorte en lien avec ce qui est perçu comme des problèmes. Et on aura notamment des enquêtes sur les chômeurs, une activité assez importante. Alors il y a évidemment l'enquête de Lazarsfeld à Marienthal, mais en Belgique, on a une très grande enquête menée par Guillaume Jacquemin sur ce phénomène nouveau, un chômage de masse aussi important, son irruption dans les années 30, interroge véritablement la communauté scientifique. Et on aura d'une certaine manière une autre déclinaison de l'ouvrier dans l'après-guerre à travers la figure de l'immigré, de ce paysan italien déraciné qui vient travailler en Belgique et qu'on essaye, qui est un inconnu et qu'on essaye de comprendre avec la question, est-ce qu'on peut l'intégrer, est-ce qu'on peut l'assimiler. Xavier Vignat, sur ce point, avant que vous devez nous quitter vers 9h45, donc je vous donne la parole une dernière fois. Non, simplement, pour rebondir sur ce que disait Eric, la question des enquêtes sur les ouvriers immigrés commence dès le début du XXe siècle en France, avec notamment des thèses de droit, et puis surtout pendant la Première Guerre mondiale, qui est un moment d'inflexion tout à fait important, puisque arrivent des immigrés et des coloniaux. Et il va y avoir ensuite un développement de toute une série d'enquêtes, alors qui sont parfois aussi des thèses de droit ou de géographie sur les immigrés. Et la Première Guerre mondiale me semble introduire une rupture de ce point de vue-là. Et ce qui est intéressant, c'est que Halbwachs, dont parlait Anne tout à l'heure, travaille au ministère de l'Armement, conduit lui-même des enquêtes pendant la Première Guerre mondiale, sur des enquêtes extrêmement précises, des enquêtes de terrain, pour regarder ce qui se passe, et pour ensuite tenter d'améliorer la situation. Et ensuite, tout ce courant-là perdure. Mais pour les immigrés, c'est plutôt dans les années 50 qu'on va avoir une deuxième floraison d'enquêtes, notamment autour d'André Michel, sur les travailleurs algériens. Mais est-ce que, par exemple, l'émergence et la montée en puissance progressive tout au long des années 30, et surtout après la Seconde Guerre mondiale, du Parti communiste, par exemple, en France, va justement renouveler l'intérêt pour ces enquêtes d'une autre façon, en reprenant peut-être les prémices lancées par Engels et par Marx au milieu du XIXe siècle? C'est-à-dire que le Parti communiste promeut ce qu'on appelle les rapcorps, les correspondants ouvriers d'usine, qui doivent, alors c'est pas exactement des enquêtes, parce que c'est à la fois des enquêtes et des interventions, ce sont de petits textes militants dénonçant âprement les contremaîtres, les patrons, les conditions de travail, etc., etc. Alors c'est une autre figure de l'enquête, tout à fait intéressante, d'intervention directe, où on écrit pour dénoncer et convaincre les camarades de se mobiliser. Et cette tradition-là, cette tradition communiste, vous la retrouvez après-guerre, à la fois du côté des trotskistes, du côté d'un groupe après 68 qui s'appelle les Cahiers de Mai, qui va avoir un rôle tout à fait important, et jusqu'à aujourd'hui, Lutte ouvrière continue cette tradition-là, où on mobilise les militants pour qu'ils écrivent ces petits textes qui sont aussi des textes d'enquête. Merci Xavier Vignal, vous devez nous quitter. Merci. Car vous avez un cours. Je rappelle que vous êtes auteur donc d'un grand livre, beau livre objet paru très récemment donc aux éditions des Arènes, qui s'intitule Les ouvriers dans la France des usines et des ateliers, avec beaucoup d'illustrations, et que vous faites une rencontre d'ailleurs le jeudi 11 décembre avec Christian Corrouge, ancien ouvrier spécialisé aux usines Peugeot Sochaux, donc jeudi 11 décembre au 27 rue Jacob, donc pour parler de ce livre mais également plus généralement de la condition ouvrière au 20e et au début du 21e siècle. C'est le jeudi 11 décembre à 19h au 27 rue Jacob. Merci encore d'être venu avec nous, Xavier Vignal. Alors, si on continue notre discussion avec vous, Anne Lhuissier, et avec vous, Éric Gerken, c'est une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que les ouvriers eux-mêmes, militants syndicalistes par exemple, ont déclenché des enquêtes, Éric Gerkens, ou est-ce qu'au bout du compte, c'est toujours venu de l'extérieur, c'est-à-dire c'est venu des autorités d'une usine, des autorités de l'État, des structures universitaires en voie de formation avec la sociologie, etc. C'est-à-dire, est-ce qu'on a vu naître dans tel ou tel milieu, disons, des enquêtes qui étaient menées par les enquêtés eux-mêmes, des auto-enquêtes, Éric Gerkens, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Globalement, si on devait avoir une pesée globale, je répondrais plutôt négativement. On a plutôt l'impression que, effectivement, ce sont plutôt des, par rapport aux travailleurs, à l'ouvrier de base, sinon les textes qui ont un caractère autobiographique, mais là, on est dans un autre registre. Oui. Hein. C'est l'autobiographie pas ouvrière, c'est différent. C'est un peu différent. La question qui se pose est de savoir que les organisations syndicales réformistes, quelle est leur pratique d'enquête. C'est là qu'on est peut-être au plus près d'une activité qui viendrait de la base. Et là, on peut souligner deux pratiques très clair, très net au début du XXe siècle, mmh. qui méritent d'être soulignées. C'est d'une part, effectivement, l'enquête immédiatement orientée vers une revendication, et c'est fondamentalement l'enquête salaire. Mais il y a aussi quelque chose d'assez particulier, c'est qu'on enquête sur soi-même. Et dans un mouvement ouvrier qui est en voie de centralisation, qui se forge progressivement, il est important régulièrement de se compter. Et donc, ce qu'on trouve sous le vocable d'enquête à cette époque-là, enquête syndicale, en fait, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'on compte ses effectifs, on existe en se mesurant, en quelque sorte. C'est Brignata. Et puis, il y a une autre forme, évidemment, d'enquête sur le monde ouvrier, c'est d'enquêter, et c'est ce que vous avez étudié, vous, Anne Lhuissier, par exemple, sur la grande enquête de 1937 sur l'alimentation, qui va quand même s'axer sur les milieux modestes. Donc, c'est une grande enquête d'État. Enfin, en tous les cas, les moyens sont mis en place pour ce faire, et qui va assez avec beaucoup de contraintes, enfin plusieurs familles, oui. 4 semaines par an, on va mesurer les rations consommées. Enfin, peut-être vous allez un petit peu nous expliquer, parce que ça fait rupture dans le monde des enquêtes étatiques, peut-être. Alors, cette enquête est démarrée en 1936 et les années 30 sont intéressantes. Effectivement, il y a eu Marienthal, il y a eu en France par exemple une enquête menée en 1932 par l'Office public d'hygiène de Nancy. Donc c'est la crise. En 1937, en plus, on est vraiment à la veille de la guerre, on commence à imaginer ça. C'est le Front populaire aussi. C'est le Front populaire, tout à fait. Donc il y a quand même un ensemble de circonstances en fait qui vont être plutôt favorables à ces questions-là. Sachant que la crise, une des questions, c'est quand même peut-on s'alimenter encore correctement? Et cette enquête, effectivement, innovatrice parce qu'elle a, elle est financée par des fonds publics. Ce qui, donc, ce n'est pas une enquête de budget, c'est comme une enquête nutritionnelle. C'est intéressant aussi parce qu'à la même époque, il y a quand même l'enquête sur le chômage qui est, entre autres, organisée par Gabriel Le Tellier, où là aussi, il s'agit avec, donc il y a trois volets dans cette enquête sur le chômage, dont un sur où ils font des enquêtes de budget. Donc on a une espèce d'effervescence à cette époque liée à toutes les circonstances, je crois, sur de la crise en particulier. De la crise en particulier, et peut-être quand même aussi du Front populaire, avec des financements publics, ce qui est relativement nouveau. Voilà, pour répondre à votre question, moi j'ai l'impression que c'est quand même relativement nouveau de mettre des financements publics dans ce genre d'enquête qui vont avoir une portée nationale, pas représentative, mais nationale. Et vous, Éric Gerkens, qui travaillez sur la question de la médecine au travail, comme en France, par exemple, Paul-André Rosenthal ou d'autres qui travaillent sur ces questions-là, les maladies liées à la question de la silicose en particulier, mais aussi l'organisation interne d'une entreprise, justement, qui peut provoquer chez ses ouvriers une maladie professionnelle. Comment cela se passe-t-il à la veille de la Seconde Guerre mondiale, mais surtout après la Seconde Guerre mondiale, quand un État social, disons, se met de façon plus en branle, de façon beaucoup plus sérieuse qu'auparavant encore, donc avec des institutions qui sont liées à cette question de médecine du travail beaucoup plus coercitive qu'elle ne l'était auparavant. Est-ce que vous voyez justement une grande évolution sur la façon dont on enquête en interne, en externe, de l'intérieur de l'entreprise ou venant des instances d'État vis-à-vis de ces entreprises ? Alors, ça me permet de faire un lien avec un point qui je souhaitais évoquer par ailleurs, qui est en fait le versant patronal, dont nous n'avons pas encore tout à Bien fait sûr. Parlé jusqu'à présent. Alors, s'agissant de la silicose, mes travaux m'ont permis de mettre en évidence un phénomène assez surprenant, c'est celui de l'enquête, on va dire, discrète, c'est-à-dire des enquêtes qui, pour partie, se font à l'insu des travailleurs. Lorsque la question de la réparation de la silicose au titre de maladie professionnelle se profile avec la conférence internationale de 1934 à Genève, le patronat charbonnier belge va en quelque sorte menacé d'une enquête publique, va proposer en quelque sorte un compromis au service médical du travail en proposant en fait que tout ouvrier blessé qui se présente dans une structure hospitalière du patronat charbonnier soit à cette occasion radiographié pour essayer de voir quelle est la trace radiologique de la silicose. Donc on est ici dans une pratique d'enquête, à la limite, je ne vais pas dire clandestine, mais en tout cas extrêmement discrète par rapport aux personnes qui sont l'objet de l'enquête proprement dit. Dans un deuxième temps, après 1934, puisque l'inscription sur la liste des maladies réparables est actée, on a un deuxième phénomène important. Nous sommes en période de crise, les pouvoirs publics belges ont des moyens limités, et à cette occasion, le patronat charbonnier, à nouveau, la même équipe, en quelque sorte, va proposer, en quelque sorte, de prendre en charge le financement d'une enquête sur la silicose dans les charbonnages, laissant les autres secteurs à l'enquête publique, en quelque sorte. Mm-hmm. Et donc, on a, en quelque sorte, un phénomène très important. Un compromis public-privé, pourrait-on dire. Un compromis public-privé, mais qui permet, en quelque sorte, au monde patronal de garder la maîtrise sur l'enquête. Et après la guerre, on aura ce même souci de garder, en quelque sorte, une maîtrise de l'expertise en matière de maladies professionnelles dans les charbonnages, avec très vite la constitution d'une institution bien financée qui se donne le concours d'universitaires assez brillants pour que les employeurs gardent en quelque sorte une longueur d'avance dans la connaissance du dossier. On a là quelque chose de tout à fait singulier qui montre que dans le champ de l'enquête, le monde patronal a une stratégie qui est pas souvent connue. Et je reviens un instant sur ce qu'Anne disait concernant les enquêtes budget. Les enquêtes budget ont eu notamment en Belgique, dans une logique où le paritarisme est très important et où la liaison des salaires au coût de la vie est institutionnalisée assez tôt, les budgets ont cette fonction-là. Je signale un exemple d'enquête patronale très particulière. C'est un représentant patronal français qui vient à la demande des patrons d'une région textile verviétoise. Ce permanent patronal, c'est Désiré Lay, un personnage connu dans l'historiographie française. Et il va contester les enquêtes publiques en matière de coût de la vie, reproposer de faire une enquête sur le coût de la vie dans cette région pour garder en quelque sorte la maîtrise, pour dire que l'acte de liaison des salaires au coût de la vie reste une prérogative patronale. Oui, c'est extrêmement intéressant de voir cette montée en puissance à l'huissier des États et des États mévridgiens d'après la Seconde Guerre mondiale en particulier. Toute cette question de comment on va prendre en charge ce que d'autres prenaient en charge, en particulier des secteurs professionnels, et les conflits que cela peut induire entre ces secteurs professionnels, le patronat de ces secteurs professionnels, les syndicats de ces secteurs professionnels, et cet État de plus en plus puissant, de plus en plus providence. Oui, clairement, en France, après la Seconde Guerre mondiale, tout devient nationalisé, et en fait, les enquêtes... Alors, le patronat, moi, pour la France, je ne sais pas, mais ce qu'on voit après la guerre, c'est beaucoup d'enquêtes faites par des associations familiales, par exemple, sur cette question des conditions de vie, en fait. Donc, c'est à la fois une façon de recueillir de l'information, mais aussi d'en faire passer. Visiblement, d'après ce que je comprends, on envoie des enquêteurs dans la famille et on fait passer encore des messages. Voilà. Mais c'est vrai qu'en France, cette particularité, c'est la création de ces grands organismes statistiques, où en fait, ces questions vont être, je pense, en partie, non pas réglées, mais discutées dans les commissions à l'origine de ces différentes enquêtes. Je pense à l'INSEE, notamment. Oui, et des enquêtes statistiques qui sont aussi le fruit de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, de l'invention d'économie et humanisme, du père Lebret et de son guide pratique de l'enquête qu'il publie tout de suite après la Seconde Guerre mondiale, je crois que c'était en 1952. Et donc, il y a là, effectivement, intégration progressive aussi dans l'université d'un certain modèle d'enquête qui ont été élaborés dans des structures qui étaient des structures associatives, charitables ou autres. Tout à fait. Alors, c'est intégré, et pas seulement, parce que je pense, par exemple, à l'organisme, à l'INH, l'Institut National d'Hygiène, qui va devenir l'INSERM, qui, à la sortie de la guerre, fait énormément d'enquêtes sur les consommations alimentaires et qui justement va passer par des associations type économie et humanisme en région. S'appuie sur ces antennes réseaux, régionales, voilà, j'allais dire, pour avoir des réseaux d'enquêteurs. Donc il n'y a pas seulement absorption, mais enquête en parallèle, comme ça, une coparticipation à un certain nombre de résultats. Et le monde de la recherche aussi, Anne Lhuissier, va s'appuyer comme ça sur des réseaux un peu locaux, régionaux. Au début, je pense au CNRS, les grandes enquêtes qui vont être après menées par... différents sociologues. Je suppose que ça reste pendant longtemps. Je pense économie et humanisme notamment, reste assez puissant et un certain nombre de labos continuent à travailler ensemble avec eux. Et Eric Girkens, pour terminer, peut-être dire que ce travail sur les enquêtes qui est mené par différentes institutions et il y a un séminaire qui commence bientôt à l'École des Hautes Études, c'est cela auquel participent d'ailleurs la plupart des gens qui sont autour de ce micro. Cyril Niatta. C'est la semaine prochaine. Oui, c'est ça qui nous a donné l'idée aussi de faire l'émission Enquête sur les enquêtes ouvrières au 19e et 20e siècle. Voilà. Et puis, donc, différentes interventions à la fois sur les enquêtes patronales, sur les enquêtes en Angleterre, les enquêtes sur l'ouvrier et la consommation, les enquêtes sur le collectif d'enquête des ouvriers européens, le PLAIS, justement. Et donc, ça donne aussi cette idée qu'aujourd'hui, pour les chercheurs que vous êtes, il faut... passer au-delà des frontières nationales et travailler dans le comparatisme. On vient de le faire entre la Belgique et la France avec ceux qui étaient autour de cette table, mais il faut le faire avec d'autres pays, Eric Girkens. Oui, assurément. Ce qui nous réunit ici, c'est finalement notre pratique d'historien consommateur d'enquête ouvrière. On est tous, dans notre domaine de recherche particulier, confrontés à cette pratique d'enquête. On est des utilisateurs, avec toutes les réserves évidemment que cela impose. Et nous voulions en quelque sorte avoir un regard réflexif transversal, à la fois 19e parce que c'est un rôle matriciel dans les pratiques, pour les pratiques du 20e siècle, en dépassant les différents secteurs de spécialité et en élargissant ça, bien évidemment, à d'autres pays que la France et la Belgique. On a évoqué déjà la question de la circulation transnationale de ce type d'expertise. C'est évident. Exactement. Et Anne Lhuissier, pour conclure. Oui, je voulais juste rebondir là-dessus. Ces circulations transnationales, on les voit dès la fin du 19e siècle dans un certain nombre de congrès ou d'associations internationales. Donc, les comparaisons ont été, dès le départ, à l'origine d'un certain nombre de standards d'enquête, par exemple, qui ont été reprises sur... les enquêtes de budget, par exemple. Donc nous, on n'invente rien, on ne fait que continuer dans cette perspective comparatiste qui nous semble extrêmement importante pour comprendre ces enquêtes. Et enrichissante. Merci donc Anne Huissier. Je rappelle que vous êtes donc sociologue chargée de recherche à l'INRA, auteur de l'alimentation populaire et réforme sociale, la consommation ouvrière dans le second 19e siècle, basée en particulier sur les enquêtes justement de Le Play. C'est aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. Éric Gerkens, vous étiez avec nous. Vous êtes professeur à l'Université de Liège et on remercie nos collègues de la Radio de Liège de vous avoir accueilli dans leur studio. Vous travaillez sur la silicose et la maladie professionnelle. Et puis Xavier Vida qui a dû nous quitter un peu prématurément, donc est auteur aux éditions des Arènes d'un beau livre-objet sur les ouvriers dans la France des usines et des ateliers. Vous nous avez appelé beaucoup d'éditeurs, beaucoup de, également d'auteurs nous ont appelé en nous disant ah, on voudrait parler, il faudrait parler de notre livre, on travaille sur ce sujet-là et on est très heureux de voir surgir comme ça d'un peu partout de très nombreux ouvrages sur la question ouvrière. On a l'impression qu'il y a peut-être un renouveau. On parlait du Métron hier, je ne sais. En tous les cas, on y reviendra forcément d'ici quelques temps dans la Fabrique de l'Histoire. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonne Bolivier et Aurélie Marcet. Jean-Frédéric était avec nous à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, laissez des commentaires, ne vous gênez pas, allez sur notre site www.franceculture.fr. Vous pouvez l'écouter pendant 1000 jours après sa diffusion, la télécharger dans l'année qui suit sa diffusion et puis également laisser ses commentaires ou discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire. Demain, nous débattrons d'un sujet hors thème puisque nous serons dans les 24 heures consacrées au livre, 24 heures autour du livre de France Culture, et nous débattrons justement des grandes collections historiques collectives, des grands entreprises éditoriale et collective. Séverine Attard. Et à ma connaissance, je ne sais pas s'il existe une grande histoire du monde ouvrier. Et non, je crois qu'il n'en existe pas. Et pourquoi On verra. On en discutera peut-être demain.